Tout semblait parfaitement normal. Lisse dans ses manches, des fragments de ton. Mais nous cherchons toujours le bonheur. Cette recherche du détail est le travail important. Nous encodons tous les objets. Canal Sud. Pas de fumée, pas d'odeur, c'est-à-dire que... 92.2. Quel type ? 05 61 53 36 95. Lorsque c'est passé à l'image, pourquoi ? Canal Sud. De délicieux mélanges aux fruits exotiques. 92.2. 92.2. Il est à peu près 21h ce soir, le 31 décembre 2010. Il est donc 21h05 sur les ondes du 92.2 MHz hertzien. Donc comme son machin l'indique. Nous sommes le 31 décembre, vendredi 2010, la fin du monde est proche. Ce soir donc sur Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Ce soir, une émission spéciale pour les autres. Ou les... Ouais, les autres. Allez, c'est parti. C'est une émission spéciale pour les autres. ce soir sur Nuisance. Une fois n'est pas coutume. Sous-entendu les autres comme moi. Car ceux qui ne sont pas comme moi, eh bien voilà, les autres donc, les autres. Pour les autres, ce soir sur Nuisance, pour le nouvel an. Le nouvel an, blablabla, tout ça. Oui. Le matériel fonctionne. Tout va bien dans la régie. À la régie, tu m'entends? Tu m'entends? Tout va bien. Également une émission spéciale politesse conventionnelle, la convention blablabla, la convention blablabla. Sous-entendu le blablabla, c'est-à-dire sous-entendu c'est bien la convention. Sous-entendu le bien c'est le contraire du mal. Qui change un peu des vues traditionnelles. Qui aurait tendance, elle, à donner une position équivalente au bien et au mal. À la santé de Georges Chirac. Et je vous retrouve après cette longue page de non-publicité, cette non-propagande, sur une radio définitivement enfermée, librement. Cigarette donc que je vais fumer dehors car il est interdit de fumer dans les lieux publics. Et je ne veux pas mourir d'un cancer passif. Je préfère bien un cancer actif, donc je vais m'en fumer dans le vestibule. Vestimentaire. Élémentaire. Vous pouvez appeler si vous connaissez le numéro de Canal Sud. Car si l'émission d'après ne suit pas, eh bien elle ne suivra pas non plus. Pas le vestibule alimentaire. Élémentaire. Je m'empresse de me droguer de nicotine et je reviens donc dans un long et court moment. Tout à la fois. Toujours aussi... et aussi... Cette résonance, celle-là, ici, pour mieux savoir. Les optimistes, une soirée spéciale anniversaire, l'anniversaire de la mort de quelqu'un. La joie et la bonne humeur règnent sur Terre, nous l'oublions pas, Car la justesse et la justice sont de pair les alliés d'une frontalière invasion ou inversion des pensées. Pour ne pas faillir à la réputation de l'émission, un RO ou deux et des P aussi, beaucoup, beaucoup. N'oublions pas que l'émission donc Nuisance, comme elle s'appelle, Nuit, au pluriel. Des nuisances. Vous n'aurez jamais entendu un son pareil, ça vous ne l'aurez jamais entendu. Et vous ne l'entendrez jamais, un son pareil. Jamais. Jamais comme toujours, mais contraire. Est-ce plus clair ? Cruauté quand tu nous tiens. Cruélisons la passion, toujours débordante de T. tergiversation, de déblatération. Un spécial merci à toute l'équipe. Un grand et spécial merci. Donc à vous l'équipe. Mon journal préféré après le 20h de TF1. Non, comme vous l'entendez donc depuis quelques minutes, ce n'est pas une plaisanterie, mais bien une expérience Sonic. Donc 31 décembre, blablabla, 2010. Pour vous mixer par mes soins. Soigneux. Soignons. Vous entendez une stridence ? Une ardence même astridée. Une ardence astridée vers le plus exécrable des états. Humain. Oui, car l'humanité... Oui, donc l'humanité... Blablabla. L'humanité, blablabla, et blablabla, l'humanité. A-ce encore un sens de nos nuits ? On peut se demander, donc une émission spéciale suicide ce soir, le mot est lancé à tous les suicidaires. Mourez en paix, prout. Venue de l'enfer. Jah Rastafari n'est pas loin. Cela étant dit, le bonheur est toujours dans le présent. Parce que le pré, ça pue. C'est à la limite du supportable. On va essayer de pousser ça un peu plus loin dans les heures qui suivent. Donc pour rappeler aux gens que c'est un nouvel an qui commence dans la tranquillité d'esprit. Et la bonne humeur, la joie. La joie. Vous entendre. La joie règne. règne en maître, en maîtresse. En maîtresse, pardon. Une maîtresse domina truc. J'ai bien dit truc, truc. Et non truchement d'épaule ou de truquement ou de triquement ou de tric à la va-vite et de marrer toujours subitement. Souple. Je ne l'ai pas dit. Le son de nuisance est toujours aussi pourrave. Ce n'est pas la faute à Canal Sud, à la radio Canal Sud 90.2 FM à Toulouse, France, en plein sud-ouest de Paris. Bon, passons. Et ensuite, ce n'est pas la faute à la radio. C'est la faute donc à l'émission et aux producteurs, réalisateurs, concepteurs, mixeurs, technicien et animateur de cette magnifique antenne mirobolante, je devrais dire, fantasmatique, le mot est lâché. Ce soir, donc, vous avez eu des mots, des intuitions peut-être ? Ou peut-être pas ? Tolérance règne donc en maîtresse. Je ne suis pas planté cette fois, j'ai bien dit maîtresse. Oui. Dominatruc. Prenez note, le jeu à la fin sera donc de comprendre un tant soit peu l'intention. De nuire. Nuisance, nuire. Son qui tue l'esprit. Louange à Nada, donc le grand rien. Avec un grand N. Genre impérativement majuscule. J'oserais dire sodomisation sodomique. Toujours une expérience sonique dans le nuisance. Les fidèles reconnaîtront le son typique d'une ambiance feutrée et mélancolique. La dégradation, la décadence humaine, représentée pour vous avec un tant soit peu de distorsion peut-être. Il se peut. C'est une possibilité, une potentialité. Expressionnisme abstrait, hein, toujours contractuel et contextuel. Je vous disais d'une ambiance feutrée et mélancolique. Tant soit peu stridente sur les hors-bords, mais toujours conventionnel à son habitude. Cet enregistrement demeure l'un des classiques de l'émission que vous écoutez actuellement, l'émission qui nuit au sens, l'émission nuisance. avec donc un animateur préférentiel, le vendredi, de 21h à 23h, préférentiellement. Le son du silence, donc. Le son qui tue l'esprit. Le son du silence, le son qui tue l'esprit. M'entendez-vous ? Faites-moi un signe. Un Larsen. Permanent. Sur nos rénitences. Il se peut que la volonté soit faite. Peut-être. Ou pas. Toujours une possibilité tangentielle, je le rappelle. Pas une création, une abstraction, mais un total anti-humanisme auquel nous faisons face en réalité. Physique, matérialiste. Écoutons un autre enregistrement de ce fait un peu plus passionné, peut-être sur le sujet ou moins, l'aléatoire, le chaotique, j'ai une expérience sonique. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Le téléphone est le 05 61 53 36 95 à l'antenne. Si vous voulez passer une dédicace, ce n'est pas le moment. C'est le 31 décembre. Faites la fête. Faites-la. La fête. Et oubliez vos soucis, blablabla et blablabla, humanité. Toujours donc tangentiel. Tangentiel. c'était un enregistrement, une scène, donc scénique, réalisée au dictaphone, genre MP3, pas cher. Si vous voulez en réaliser, donc achetez des dictaphones d'une capacité certaine et vérifiez les formats d'enregistrement, si ça vous branche, ça coûte pas cher et vous pouvez en servir comme MP3 aussi. donc la qualité est plutôt pas mal. Il y a des logiciels donc qui existent pour convertir les Attendez, excusez-moi. On m'appelle sur l'autre ligne. Oui, je comprends. Je disais donc une expérience sonique déambulatoire. Un instant. Nommé présent, il existe une possibilité toujours que la bestialité et cruauté donc soit représentée par une donc ou genre et soit liée quoi, voilà, soit liée à la brutalité de l'arrogance journalière, voilà, c'est ça. Écoutons un autre enregistrement, donc réalisé toujours sur le même, je vous rappelle, dictaphone, un dictaphone, donc vraiment pas cher, d'une bonne capacité, enfin pas un dictaphone, un lecteur MP3, donc qui fait dictaphone, avec un format WAV, donc WAV pour l'enregistrement, c'est le top, et il faut un convertisseur après, plus tard, pour donc, le convertir en fichier qui soit visible sur un CD, car voilà, taux d'échantillonnage faisant, et ainsi, des formations, excusez-moi, professionnelles, je vous passe l'enregistrement immédiatement. Passez une bonne soirée et à l'écoute de Nuisance. Un chien. Ce serait donc un chien. Une voiture qui passe. Quelqu'un qui marche. Un coup de vent, ce qu'on appelle. Le vent, donc, qui souffle. Ah, quel horrible son bruyant. On doit le caractériser de bruit blanc ou quelque chose comme ça, bruit marron, disons. Ou noir, noir. Quel horrible bruit. Bruit. Bruit, oui. Donc un bruit. Bruit bruyant. Voiture. Identifions le mal. Ah, une espèce de pauvre voiture courave qui crisse des pneus. Une voiture en fond, peut-être. Ou deux. Sur le vent qui accompagne la chute. La pression atmosphérique, l'acoustique, donc le son toujours. La matière vivante de la musique, soi-disant musique. Satire, sûrement le contraire, quelque chose comme ça. Donc la musique, voilà, c'est donc voilà ce qu'on appelle la musique. Ça comme vous voulez. Perpétuel Larsen, très pénible. Avec vraiment sonore assez chargé en réverbération. Et c'était donc la fin donc, de cet enregistrement réalisé donc avec un dictaphone pas cher. Ça risque de prendre un peu de temps maintenant jusqu'à ce que je trouve un truc intéressant à vous mettre. Là, je vais vous mettre un truc à mourir chiant et pénible. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le truc chiant, pénible à mourir que je vous disais. Donc. Voilà. Incroyablement lent. Lent à un tempo plus que insoutenable. C'est-à-dire dans la lenteur. Accordons-nous un peu sur le temps présent. Va te faire. Le temps présent. Va te faire. Ah, j'ai trouvé un truc avec moi qui parle tout seul pendant des heures. Pendant, je vais vous dire combien de temps. Pendant 58 minutes, vous allez m'entendre parler pendant des heures. Ça va être bon, ça. Vous êtes sur... Donc c'est sur votre radio, il y a un enregistreur, c'est pratique. Ah, excusez-moi, la pénibilité est toujours aussi pénible. Des auras ambulatoires ou des crissements de freins débilitantes, ainsi pour que ce se fasse là, je déployais vers l'avant, d'ici à là, que pas, mais donc, l'avoir n'est qu'ambulation, par conscience finalement, alors que la discutante oblitération ne se façonne qu'en traversant la gorge. Las, elle se tient debout sur une chaise, en bois et paille tressée. Là, elle est, de façon à faire oblitération d'un ticket de passager. Posée sur un siège nu, elle visionne des films pornographiques, activités, des pas de géants. La possibilité sagement assise que finalement, des souvenirs tressés par une agitation des bus sur un banc alerte, mais démunis. Un problème là, ça l'arsène à mort, je crois que c'est sûrement la faute à la radio. C'est toujours la faute à la radio, c'est la faute à la radio. C'est la radio qui déconne. Et que faire de l'agitation ? Sale radio, méchante radio. Pourquoi tu déconnes comme ça ? Bon, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à arrêter les appareils, impossible de bouger la table, les potards sont coincés. Coincés, je vous assure, tous, il n'y a pas un, il n'y a pas un truc. Vraiment, même le fader maître est bloqué par un bout de carton. C'est incroyable, c'est délabré. Cette possible émancipation, lui dire, possibilité de la nourriture ainsi, est anti-atomique, les retours sont faits à l'ouverture. Le couvercle, passage traversé de l'oblitéré, une obsession... Un peu de jazz en fond. Le couvercle là-bas, la couette ne permet pas la croyance ethnique. Il est vraiment en fond. Exhiber le foutre de... Genre en fond quoi, tu vois. Passion pour chauffer, tenue dieu de stupeur. Attention à l'attention portée sur la feuille. De demeure exigée, tergiversante. Donc, je disais... soit dit, la passion, nous, il n'y a pas. Ainsi d'exprimentiel des raisons. Non que ce ne soit la saisie qui importe, ainsi que nous. Go. pénible ce Larsen, hein. J'arrive pas à m'en débarrasser, je sais pas quoi faire. Aussi pénible cette émission, c'est horrible. C'est cruel de la part du réalisateur, du producteur, pardon. Il faudrait qu'on tous qu'on soit cruel avec lui. Pour se venger. On ferait plaisir comme ça tout de suite et on serait content. Vous comprenez ce que je dis ? Oh. Oh, c'est beau cette musique. Musique. On aime la musique, donc sur Canal Sud 92.2 FM, la musique. Ce soir, donc, le 31 décembre 2010, le nouvel an, vendredi, ça tombe bien, c'est mon émission. Si vous croyez que j'ai raté mon émission pour le 31 décembre pour faire la fête, me bourrer la gueule, fumer des cigarettes et finir dans le fossé en train de vomir, non merci. Ou pire. Une superbe journée à Toulouse, France, le 31 décembre, aucun mort, aucune naissance non plus, la totale neutralité, c'est beau, la vie, joli. Je dirais même c'est bon comme un, ça rime avec, je ne peux pas penser à quel mot ça rime, avec nichon. Micheton. Une ode à l'éternel chromatique dans les aigus. Dans la basse, une ode à la saxophonie magistrale d'un autiste. Je vais donc aller aux toilettes, je vous laisse. Je reviens tout de suite. Non, je ne vais pas boucher, je reste ici pour boucher. Qu'est-ce que c'est que ce tonnerre? chouette. Encore de la musique, de la grande et belle musique. C'est Saturne maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfer. J infernal. Infernal. Les esprits sont avec nous ce soir, c'est la nouvelle année, nous espérons survivre à cette épreuve. Une épreuve bien difficile, il faut bien du soutien moral, on dit « more support » en anglais, « more support ». Du soutien moral, une mission qui se veut pédagogique en même temps que ludique. On entend une pochette de plus, donc un CD qui vient de sortir de ma méga pochette à CD. Donc j'ai des mini pochettes à CD et la méga pochette à CD. Donc du papier, du plastique transparent. Le morceau qu'on va écouter à présent s'intitule Genesis Apocalypse Low, et je l'ai mis en accéléré de 100%, c'est-à-dire que la vitesse est doublée. C'est parti. Donc sur la maladie de l'apocalypse qui nous arrive à tous ce soir, l'apocalypse, donc l'apocalypse selon machin ou l'autre, il n'y en a pas beaucoup d'autres d'apocalypse, donc l'apocalypse, en tout cas l'apocalypse après la musique, l'apocalypse, la bassesse humaine, ça j'ai mis beaucoup de graves, c'est une erreur technique de ma part professionnelle de vous révéler un secret de fabrication. Un symbole, un totem ou un tabou, transgression, déblatération, cohérence. fucking death and spurt lungs and blood and cancer everywhere. Gotta admit something good about it. It's all whiskey there, scotch and bourbon and beer. I need tobacco and pot. Not sure about that. I say, you know, it's like it's seeming all this time going on, spurting away. I mean, it's like, what the fuck is going on in this stupid, shitty, fucked up thing going on? So as we're saying, it's going on, it's this thing, and what the fuck is going on, man? What the fuck is going on with this stupid thing going on? You know, see what I mean? Maybe you don't. On the other hand, I dickwads and all the fuck faces like you just go spurt out on some other moron like me. There. It's evidently a political choice on my part. There's noise and music. Wish music didn't exist. Vas-y, continue comme ça, ouais. Vas-y, bon. Vas-y, Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM à Toulouse, en France, au 31 000 Toulouse. Toulouse, la ville rose de France. Venez visiter nos monuments aux morts et nos cinémas. Nous avons un Fnac et nous avons un Virgin Megastore. Ah merde, je devrais pas dire de marque, c'est vrai que c'est bête de faire une pub pour des magasins aussi peu recommandables. Ensuite, oui, j'entends ma voix sur l'épaule qui me dit j'aurais pas dû faire de pub, je suis vraiment désolé, excusez-moi. Nous parlions d'anti-humanisme un peu plus tôt. D'anti-humanisme, donc. Anti-humanisme, une valeur fondamentale, le fondement de notre société. Évidemment, j'ai poussé la manette un peu trop loin et il n'y avait rien sur le CD, donc il n'y a pas eu d'événementiel cette fois-là. Donc, vous aurez noté l'espèce de gap intersidéral dont j'ai été victime, comme un peuplier sanglotant, sous les sols pleureurs. Je sais pas, peut-être sûr, ça dépend de l'âge du peuplier ou de la taille. Je devrais demander un ornithorynque. Une cohérence dans le dossier. Le dossier est suivi par un nombre de spécialistes dans le domaine. Toujours une observation, et elle est toujours, je vous le répète, tangentielle. Une surcharge, d'élocution. Gloire à Martin Luther King pour nous avoir ouvert la voie, et à d'autres comme Gandhi et Bouddha, n'oublions pas le Christ et Mahomet, et toutes les autres, et n'oublions pas nous-mêmes, nous sommes les vainqueurs transcendants d'une victoire transcendantale. Toujours une expérience sonique, donc mystique. Le bonheur réside dans la pratique. La pratique donc du bonheur qui y réside dans le bonheur. Car le bonheur réside dans la pratique du bonheur. Compris. Et le principe c'est d'être heureux. Donc soyons joyeux et de bonne humeur. Soyons cordiaux et courtois les uns avec les autres. Et n'oublions pas l'élocution, donc comme je vous le disais, et la désobéissance civile. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Apprenons à dire non à la consommation, ou plutôt aux tergiversations toujours déblitérantes, de débilitantes, intransigeantes, émancipatoires. Vérité. Point à la ligne, point de suspension, etc. Et caetera, pardon. Et caetera, écrivez-le bien, sous fifre, secrétaire, sous-humain. Écrivez-le bien, donc en lettres dorées, vous êtes un sous-humain, Vous êtes sous, les humains. Vous êtes tous sous. À présent, il est peut-être temps de vous dire la vérité. Ceci est une émission pour vous inciter donc à commettre l'acte irréparable, celui de vous rendre compte que vous ne pourrez ou que vous pouvez peut-être ou peut-être ni l'un ni l'autre. L'acte irréparable donc que je mentionnais subrepticement. J'entends les vaches dans le clocher. Et toujours les sempiternelles éructions. Éructation. Oh putain, éructement. Éructionique. Sonic, pardon. Éructationique. Éructasonique. Éructasonique. Donc les éructements éructasoniques de l'émission Nuisance avec un S à la fin, entre parenthèses le S, une majuscule à Nuisance, N, je veux dire, N. Et puis au diable à l'avarice, je vous offre une deuxième majuscule, vous la placez où vous voulez dans le mot, même sur le S entre parenthèses, vous êtes libre pour une fois de faire quelque chose dans votre vie. Imaginez le nom de l'émission avec une deuxième majuscule à part le N du début. Oh, et puis, au diable l'avarice, un peu d'imagination, oublions le N majuscule au début, oublions les parenthèses, oublions les lettres, oublions Nuisance, soyons juste ce que nous sommes, de la merde. Faisons la fête. Oh les dieux, les hauts dieux, dieux qui nous poussent à faire la fête. Quelle méchanceté de leur part. Défonçons leur la gueule. Nous sommes donc au-dessus de tout ça, à présent nous avons atteint l'illumination. Et ce n'est qu'un début. Je vous rappelle qu'à la fin, la mort nous sépare de la vie éternelle. L'acte de souffrance ultime, le sacrifice de soi. Belle des paroles à offrir à quelqu'un, enregistrer l'émission et donner-la à quelqu'un, ça leur fera plaisir. C'est la plus belle parole d'amour et de bonté fondamentale, primordiale, même essentielle de l'âme humaine. Bon, pardon, ça coupe. Thank you. Vous m'entendez, je suis en direct ce soir pour vous, enfin surtout pour nous, disons, pour moi, pour quelque chose en tout cas, c'est sûr, croyez-moi, je suis là pour quelque chose, j'en suis convaincu. Vive la décomposition taoïste de la chose, le sens de l'humour régnera sur la terre à jamais, et depuis toujours. Je voulais parler donc de philokalie ce soir, d'amour de la beauté. La misokalie donc étant la haine de la beauté, son opposé, dans le sens miso ou philo du terme. La kalie étant donc la beauté ou le kalie, je ne sais pas, je n'ai pas lu assez de grec pour savoir si c'est masculin ou féminin ou neutre, ou même s'il y a des genres et des sexes, des mâles, des femelles, des dualismes dans la Grèce antique de nos jours. La Grèce est différente, elle est suivie de toutes parts par la contemporanéité, disons-le carrément. La parité est d'autant plus flagrante ici même que là-bas. D'ailleurs, le mot parité n'est pas dans mon vocabulaire. Je ne connais pas la définition de parité. J'appelle donc quelque âme que ce soit sur Terre à appeler un fixe, donc un numéro de fixe. Avez-vous quelque chose pour le noter? C'est le numéro de fixe de la radio. Je suis quelqu'un de désespérant, je le sais. Appelez-moi pour me désespérer encore plus, pour que je sois inspiré de désespérance pour l'humanité tout entière, tant l'anti-humanisme, ou devrais-je dire l'anti-humanitéisme de la chose est primordial pour une essence telle la mienne, la plus importante de toutes, car l'ego et l'égoïsme, notamment, et éthisme de l'individualisme forcené, comme stakhanoviste, nous permet donc une moisissure sur la momie de Lénine et Staline. Qu'en est-il de Staline? Disons-le franchement, Danton, Robespierre, Lénine, Staline, il y en a eu d'autres, on n'en a rien à foutre. Nous sommes ce soir le 31 décembre 2010 pour faire la fête, donc, c'est-à-dire nous bourrer la gueule à la gloire de la vie ou de la mort peut-être, j'ai pas décidé encore. Il a fait une transgression. Ouais. Digressive. La boisson et le tabac. Non alcoolisé, le tabac. Avec nicotine de préférence, car addiction, synonyme d'attachement à la vie quelque part, dans une outrancière transgression, donc je disais transgression de la vie par la mort. Autofuck. J'ai regardé dans la glace en même temps, j'ai fait apparaître Autofuck derrière moi, je vous laisse pour 30 secondes, je vais parler à Autofuck derrière moi. Salut Autofuck, quoi ma gueule? Oui ma gueule, tu as raison Autofuck, je ma gueule. Vive le nouvel an occidental, chrétien, disons-le carrément, ça rime avec crétin, mais j'en ai rien à foutre, comme tous les autres, ça rime avec quelque chose d'autre que ce n'est, donc je peux dire carrément ce que je veux dire, ça rime en quelque chose, puisque la merde, ça rime en poubelle, et poubelle, ça rime avec déblatéré, toujours, n'oublions pas, nuisance, l'émission qui nuit au sens. Sur Canal Sud 92.2 FM, vous êtes prévenus, ceci est un standing man, woman, whatever you are. You monsters! You ho! poor little creatures. You will be rotting in dirt and earth and rot and shit all the time for the rest of your existence. Your energy will be dissipated in worms and defecation of other human beings. You'll be urinated upon by donkeys, and the cats will be spinning the webs of your misfortune, stupid. Camera thing going on in your heads. I know that. I just know it's the way. It's not the question anymore. It's not really the question anymore. In fact, the question is more like this: do you want to be enduring, or your stupid, disfashioned glories? Or do you want to be dying like hell is heaven, and heaven is hell, and all the bullshit is just what they've been telling you all this time, and you actually believe it just because you read it in books, and you actually believe it because you live it, you know, like it exists, all this shit, you know, like reality and passion and love and hate and even joy, in fact, and goodness, fundamentalism, patriotism, nationalism. I gotta say, I discredit the whole fucking thing, you know, the whole plot or paranoia residing in self-subjugation to a external force will not be the determination of this, like, hereby project of ours, interpret that as an etc., like displayed in another language, okay? This other language being symbolized by a symbol and symbolical symbol symbolizing what is forbidden, of course, I must say, to be something like what I said just before, like to myself, is forbidden, because to you it is also, for you permit yourselves to be different. Difference being the eternal passion. Was saying difference is like originality, singularity. Singularity being the auxiliary power to a source yet unknown to the familiar ways, habituals, like obituaries. And the whole time I was thinking of something that resembled a carpet. It resembled a carpet, and at the time, that thing resembled a carpet, like a monography of a plane. And as I was saying, the formal stature of hereby human beings. Excuse me a second. I'm gonna get a drink. Okay, just hang on there. You're on Canal Sud. That's or if you're listening to us from somewhere else than Toulouse, France, that'll be on canalsud.net with the HTTP www whatever and dots everywhere. As long as it just fucking works with your Google, Wikipedia, and all that stupid padding thing, like pads in the head, like covering up what you really feel for something. You see what I mean? Okay. So now that I said that, now what is there else to say? You know what I mean? And that's when I ask myself the question, and I know I got the answer to that too. You know? See what I mean? So as I was saying, the answer is not forbidden yet. It's like this foreclosure of an act is always vanguard, you know, like avant-garde, like the vanguard is like avant-garde before the band, you know, because the A, that's the A, and this is the A, it's all in the A, man. The Z got something to do with it too, you know, from the A to the Z, okay, to the Z, see what I mean? Okay, Z, Z, and Z again, you know, like W. Like W's, like something weird, you know, but you gotta admit it. W, you know? See what I mean? Okay, now, just have fun. You're listening to shit as usual on Nuisances. This is the show. Hello is myself, and I'm just like interpreting this stupid rule myself. With constance and equanimity, I gotta admit, you know, I'm kind of neutral about all this. Though I gotta admit, somewhere around the 31st of December, which is like today, okay, and this is like 10:45 in France, Toulouse, and you got about an hour and 15 minutes to go on till your death, you know, because this is the end of the world, so, okay, cool. Way, man. We're all gonna die. Hopefully. It's like the only hopefully, in fact. Bon, tout ça pour dire que la nuit est longue. La nuit est longue. Et longue, et très longue, pour vous sûrement, auditeurs et auditrices. Surtout ne pas mettre de X là, il ne faut pas. Toujours le X. Okay, now I'm gonna change the CD. Okay. Change the CD to put another one. It's dead. I'm not gonna put Genesis Apocalypse high. It will be too painful for your little ears. Or could I? Maybe I could, you know. Alors je pourrais mettre un CD qui s'appelle le Genesis, avec un S, donc Apocalypse H-I à la fin, donc ça veut dire haute fréquence. C'est pas très haute, vous inquiétez pas, je ne suis pas un blaireau, peut-être. Ou peut-être que si, finalement. Et c'est peut-être que ça va être vachement aigu, je n'en sais absolument rien. Et je m'en contrefous comme d'habitude. Ceux qui me connaissent mal. Et, ou bien, peut-être se font-ils l'idée qu'ils me connaissent mal. En tout cas, dans les deux cas, je m'appelle Al. Je suis rarement enclin à me présenter, mais ce soir, le 31 décembre 2010, c'est le nouvel an 2011. C'est-à-dire la nouvelle année 2011 qui commence, donc 2011, année après la mort ou la naissance, je ne me souviens plus laquelle, la naissance peut-être, ou la mort, je ne me souviens plus, du Christ, Kyrie Eleison, donc la gloire et la joie éternelle pour tous les chrétiens, comme moi et comme tous les autres d'ailleurs, parce que c'est un truc catholique universel qu'il faut partager avec les uns et les autres. Quelque chose d'aigu maintenant. Quelque chose de très aigu qui risque d'être pénible, mais pas suffisamment, toujours pour moi. Comment le rendre plus pénible encore, peut-être une solution. Ah, une pénibilité accrue, on va continuer dans cette voie. Alors, ah ça c'est pénible. Ça c'est pénible. Allez, on continue dans la voie. De la pénibilité. Oh non, ce scud me saoule. Je l'arrête. Voilà, ça va s'arrêter. Voilà, ça s'arrête. Ça va s'arrêter tout seul. Voilà, ça c'est l'appareil qui fonctionne. Gloire à Dieu, au sommet des cieux. Tout est en nous et pour lui, et pour elle, et pour notre siège, notre trône. Tous les matins, mec, tous les matins, je vais sur le trône et je fais un gros truc en un. Je fais le gros chien. Prout, caca prout. Je vais peut-être réussir à flatuler pour vous ce soir. Toujours l'éructance et la flatulence, parallélisme entre les anses, orthographe différente par contre, donc étymologie à vérifier. Alors que voudriez-vous ? Appelez-moi au 05 61 53 36 95 pour savoir que je sache ce que vous voulez. Et je ne vous ferai pas de dédicace, car Canal Sud ne fait pas de dédicace, et même moi je ne ferai pas de dédicace. Je vous mettrai un scud, genre je vous dirai, avec un S conditionnel si vous appelez, au 05 61 53 36 95. Je vous dirai donc, j'ai un scud qui s'appelle... un tel, et un autre qui s'appelle une telle, ou un autre qui s'appelle une ou un tel, et vous direz ah, et ça correspond à quoi, et je vous dirai j'ai pas le temps de vous expliquer car je ne m'en souviens pas, car ce sont des œuvres vivantes, des œuvres œuvrons pour la vivacité, l'énergie, l'équilibre, la pénibilité accrue et le temps partiel. Le temps partiel étant une temps comme tous les autres et toutes. Tutsi. L'appareil déconne, il veut peut-être se mettre à démarrer. Oui, ça y est, il s'est démarré tout seul. Je n'ai pas eu à toucher le bouton. C'est par la pensée que ça s'est fait. je vous assure, je l'ai sur cassette, sur MP3. Dès que j'aurai appuyé sur stop, j'aurai l'enregistrement de ce fait accompli. La magie est en ce monde. Alléluia! Alléluia! Insanité, donc toujours déraison et folie. La grande démence. Le Johnny sur les CD rance. Et range au fur et à mesure les pochettes avec les objets dedans. Car les objets, oh oui, objets, objets, objets. Je suis un objet comme tu es un objet. Et tuer un objet pue. Alors un peu de basse. Eh ben non, c'est pas la textuelle, c'est Nuisance. La textuelle, vous le retrouvez le mercredi de 9h30 à 10h30. Le mercredi, donc avec Amy, une fellow productrice. Voyance de travers. Voilà. Donc ça, c'est un enregistrement donc de la textuelle, une fois quand j'y ai participé. Gloire aux cieux. Vous êtes sur Canal Sud. Donc vous êtes toujours sur Canal Sud, oui, en effet. 92.2 FM. 92.2 FM, je confirme. Il est bientôt 21h. Là, il est bientôt plutôt 23h, moins 10. Le vendredi 19. Nous sommes février 2010. Le vendredi 31 décembre. C'est Nuisance. 2010. Bon, c'est pas grave. C'est Nuisance, en effet. Encore une autre, peut-être, quelque chose de plus intéressant à écouter que mes déblatérations évidentielles. Anaxia. Anaxia. C'est une émission donc, que vous retrouverez le lundi une fois sur deux à partir de 22h30, 23h environ, jusqu'à tard dans la nuit, autant le dire tôt le matin pour certaines occasions. Voilà, Anaxia. Qu'ai-je d'autre ? J'ai rien d'autre sur ce CD, donc je vais passer à un autre CD. Excusez la transition un peu brutale. Un peu brutale. Une fois n'est pas coutume dans cette émission, nous allons peut-être parvenir à un état de plénitude. Pardon, je l'ai mal articulé. L'élocution toujours. Martin Luther King me l'a dit dans un rêve. Élocute. Sion. Hic. Le. Hac. Bon, passons. Donc, pour une fois n'est pas coutume dans cette émission, nous allons écouter un CD. Une œuvre produite par moi-même. Un jour, je vous dirai la date. Donc ces sessions sont des sessions dédiées au MIDI, une fonctionnalité récurrente dans les logiciels pour production MAO, musique assistée par ordinateur. Le 29-30 de 12-2009, What am I saying? Bullshit as usual. 29-3-12-09, that's like one year. Ça fait un an, presque jour pour jour, un jour de plus, ou deux, que j'ai fait cette session, midi session, ça s'appelle. Je vais le mettre à la vitesse normale, pour une fois, sans effet de scratching ou de reverse. Scratching, reverse, pas de ça. Il n'y aura pas de rajout. Vous devrez supporter l'œuvre intégrale du début à la fin. le début à la fin étant d'une durée. Donc je vais vous le dire avec un des boutons magiques sur l'employement de la déployance, 76 minutes. Il vous reste à peu près 76 minutes à vivre et ce sera la fin de nuisance. Mais en attendant, ce n'est pas le début non plus et ce n'est pas tout à fait la fin. Donc écoutons l'horreur maculée de conception. Ceci est une émission dédiée donc à l'horreur de vivre 1h05 avant le nouvel an occidental chrétien. Nous ne sommes pas des crétins et nous ne sommes pas des héros non plus. Nous allons donc appuyer sur le bouton play pour peut-être parvenir à lancer un morceau qui s'intitule Midi Music. La première session sera du 29/12/2009, un an presque jour pour jour il y a. Allez, patience. Je sais, la vie est dure, difficile d'être vraiment heureux quand... The world is full of shit. As I was saying, no interruption, I lied. J'ai menti quand j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'interruption sur le morceau. C'est un morceau horrible, comme tous les autres morceaux que j'ai composés de ma vie. J'en suis assez fier d'ailleurs, et vaniteux. L'orgueil était donc le premier péché de l'homme. L'orgueil d'avoir une grosse bite et la femme donc avoir des gros nibards. C'est super, la vie est belle, il est 11h, les enfants sont couchés, je peux dire ce que je veux. C'est la merde sur terre. Et dans les cieux. CanalSud.net, le site officiel de Canal Sud, la radio associative libre que vous écoutez à l'heure actuelle. Si vous écoutez cette radio associative libre à l'heure actuelle, sinon en différé, c'est donc l'émission Nuisance du 31 décembre 2010, vendredi. J'ai commencé à 21h comme tous les vendredis, et je me suis aperçu sur ma montre tactile, éthylographe et en plus altimètre, que j'avais anticipé d'un jour le nouvel an. Je me suis trompé, je n'ai donc pas été à ma fête dionysiaque, si j'ose dire. Oh, quelle beauté dans la vie du plaisir, et également jouissons de la vie avant que l'on soit mort, car on a peut-être tort de vivre. Tourne toujours qu'un seul CD et une seule composition live. Des gestes exceptionnels, rarement égalés, même pas du tout, impossible. Disons-le franchement. Cette mirifique beauté va être couplée d'un folk song guitareux de ma composition du 26-7-2010, donc de cette année, le 7-0 janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, de juillet 2010, du 26 juillet 2010, couplé avec un morceau de MIDI Sessions du 29 décembre 2009, où il y a presque un an, jour pour jour. Ceci étant donc le son de la pochette du CD. Démonstration éloquente, oui, j'allais dire une connerie encore. le CD est donc ralenti à une vitesse inférieure à la normale, peut-être supérieure, donc il serait accéléré peut-être. J'ai mal vérifié les chiffres, il faut que je recalcule tout. Je vais recommencer dans une seconde. Une seconde plus tard, je recommence. Oui, j'avais donc raison, le CD est donc... la vitesse du CD a changé. A été changée par l'utilisateur de la platine située à sa droite. Platine donc CD 2. C'était le mixage des studios de Canal Sud, de 92.2 FM ou canalsud.net. Vous êtes en direct de Toulouse avec moi. Ou sinon, vous êtes dans un monde différent, donc sur canalsud.net. Voilà. Le numéro de téléphone est toujours le 05 61 53 36 95. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Je suis en live, je vous le rappelle. Donc appelez-moi, je suis désespéré. J'ai une lame de rasoir dans les veines. Je suis en train de me pendre dans un accident de voiture et noyé. Bientôt, aucun instant ne me restera à vivre. Je vais bientôt mourir. Aidez-moi. Appelez-moi et je ne vous ferai pas de dédicace. Je n'écouterai pas vos conseils. Je ne ferai rien de ces choses. Aucunement. Tout à fait. Oui. Je vais à présent coupler, devrais-je dire tripler, donc tripler la donne, le risque. Le risque encouru est énorme, vous en êtes bien conscient. Blablabla. J'ai l'impression d'être un bourgeois quand je parle comme ça. Bon, alors, le risque est énorme, pas vraiment. Car les trois sessions sont des sessions de composition et non de libre improvisation pure. Donc, la composition étant donc celle du système sonore. Dans le cas de présent, il y a deux compositions libres improvisées l'une sur l'autre. L'une étant une MIDI session, donc MIDI étant un langage informatique. Excusez-moi, c'est le 31 décembre, tout est permis. La loi est faite ainsi. La transgression est libre hein, le 31 décembre 2010, peut-être. J'espère. En tout cas. Éructance faisant, j'oublie le thème du sujet, l'intention. L'intention étant donc de créer une disparité de son. Donc vous entendez une guitare acoustique couplée à de l'instrument électronique. Et bien vous allez entendre un piano en plus de cela. Un piano qui viendra en fade-in subi. Voilà. Un recalage de vitesse, comme vous pouvez vous en apercevoir, je le fais éloquemment. Pardon, excusez-moi. Ma pauvre élocution, ce n'est pas ma faute. La désagrégation pointant le bout de son nez. L'on fait chemin faisant. Quack quack. Comme des vilains petits canards. Des parias. Des nantis. Des exclus. Des sodomisés par le cul. Je n'ai pas de péjorative attitude envers la sodomie. C'est une métaphore allégorique. Sûrement une stigmatisation de l'homosexualité ou de la pénétration anale, de la sodomie. Une voie non naturelle pour l'acte sexuel, soi-disant. Je crois qu'on l'observe chez les animaux, les bêtes, comme disons, sont-elles naturelles ou pas ? La question est posée. La folie toujours démente. Elle, au moins, on peut compter dessus. La mort, entends-je. Manipulations sont évidemment entendues et espérément écoutées. Éminemment entendues. Quelle horreur, quelqu'un essaie de pirater la musique, la belle musique, en faisant du bruit avec. C'est sûrement Al dans l'émission Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou sur le web canalsud.net. C'est vendredi de 21h à 23h, nous ne dirons jamais assez. Avec une grande animosité, j'espère, toute la tergiversance et la débutirance de la tolérance et de la connerie humaine de merde. J'encule tous les humains, anti-humanisme à 100%, même 200%, s'il le faut, on ira jusqu'à 2 milliards de milliards de méga, giga, tera, je ne sais quoi, pico même. Allez, on va même dans l'infiniment petit, le finiment petit plutôt devrais-je dire, car le fini est fini à chaque instant. À chaque instant. Il est fini, le fini. Le fini est fini à chaque instant. Donc infini dans le changement. Le changement étant donc le changement du fini. Car dans le temps, le fini devient le miracle de la pensée. Non pas spiritualiste ou matérialiste, la pensée comme l'animal du logos, l'être humain est un animal de pensée, blablabla, blablabla, bla bla, c'est ce que je voulais dire, donc c'est la pensée, le son qui tue l'esprit. Le son qui tue l'esprit est la volonté du Seigneur, le Seigneur saignant pour nous faire accepter nos fautes, aiser nos péchés, et aussi pour nous faire marrer le Seigneur. Le Seigneur saignant. Saignant, mon Seigneur, s'il te plaît. Mec ou meuf, serveuse ou serveur, quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre, monstre. Monstre, file-moi un Seigneur saignant. Ou pas, parce que les jours où j'ai pas envie de saigner, eh bien, un Seigneur pas saignant, ça le fait aussi. Un Seigneur qui file la gerbe, ça le fait aussi. Un Seigneur qui a la constipe, ça le fait. Qui a la diarrhée, ça le fait. Qui a envie de frapper les gens, ça le fait. Ou de se frapper soi, c'est bon aussi. Un Seigneur, c'est tout ce qu'on veut, un Seigneur. Parce que l'exemple ne suffit jamais. Nous sommes notre propre exemple, mais malheureusement, nous ne faisons aucune éventualité d'effort pour aller vers l'exemple que nous fournissons à nous-mêmes. Nous sommes des exemples de nous-mêmes. Nous ne sommes rien car nous n'avons rien fait. Nous faisons les choses que nous nous sommes dites de faire. Nous n'avons rien fait car la création n'est que miracle de la pensée qui est bonté fondamentale. Il n'y a pas de réponse sur terre, il n'y en a pas dans les cieux, il n'y a pas de réponse. La question et la réponse demeurent sans fondement. Vous êtes perdu, je suis perdu. Nous sommes cruauté impériale par le rire et le sourire. La bonté fondamentale est la cruauté impériale par le rire et le sourire. La joie, la bonne humeur sur terre, c'est notre punition. So capital punishment for all the people who are perversely sinning in the whole fucking world. Damn thing is rotting to hell. We are all gonna die tonight at midnight. I know so. I know so. I have seen it with the gods. And the Almighty is my leader. Leadership, patriotism, patronizing. And I knew I was saying something stupid before even saying it, because I didn't calculate what I was going to say before saying it. That's why it's so stupid. Stupid, I hate myself, I hate you, I hate everything in fact. There's no line, nobody's dying here, everybody's alive. We're all going to die someday, but not today. I certainly do hope so. Not today. Of course it's tonight, so I should say not tonight, because it's the 31st of December in France. And it's still about like 11:20 in the evening. And there's about 40 minutes till midnight. Yeah, 5, 4, 3, 2, 1, boom, the whole world is fucking up. The whole world is full of shit. We're all gonna die tonight. Tonight, I said. I hope so. I'm gonna go insane. I'm gonna go insane. I swear, if we don't go and explode tonight, okay? That's the way I am. If I don't get what I want, I go insane. That's the way I am. I love it. Life is good to me. Life is good to me. I love life. I want to fuck life in the ass so much. I love life. Life is something I love so much. I want to live forever and be fucked in the ass my whole fucking life. And also, I'd like to fuck somebody else in the ass every now and then. And fucking in the ass is what I like in life. piano is the lesson. Insane, talking to the empty, great big anything. This great big bazaar, a kind of a waspy, transparent walk of minds, mine holes everywhere.

que la passion ait quitté de la parure, barrière de la transparence. Il n'y a toujours pas de passion à azur fondant. L'amertume ne quittant pas la dorure morue à le crever. Toujours tendance. Pourriture. Pourrissant, putréfaction purulente. À le cramer. À le fini de la finitude. À le divisant. Dévisageant, même que l'inconnu n'est pas sodomisé. Il mendiant, souffretant et souffreteux. Ce mensonge est d'une ville mécréance. La merde que j'ai dans la tête me sort par les trous de balles et le nez. Mais la voix, la parole, toujours d'un instant posé, prévu, comme prédit. Mais si évident que rien n'est faiblesse, rien n'est toujours la meilleure solution que la façonnance du club sur un échantillon donné de clubbeur. La clubure est une façonnance de que la passion toujours perçante ne perçoit pas, alors que la finitude de la personne artiste, Marquis, Konomelich, Token, Melakanich, Fakadé, Archimedes, je ne vois toujours pas la passion débilitante. Je ne vois toujours pas la passion débilitante. Thank you. Les brusques changements d'attitude et de coloration sont dus effectivement à une volonté. L'autisme étant un état de fait. Un factualisme. Par voie de fait, j'entends bien sûr abus, adjectivisation. Conforme se réduire à la norme. Facile tout ça, mais c'est vachement difficile, vous savez, c'est vachement à gérer, donc il faut être dans le divan et aussi il faut écouter, il faut être vachement à l'écoute de l'autre. Par exemple, moi tout seul dans mon studio, je dois être vachement à l'écoute de l'autre. Vous comprenez pourquoi la déformation professionnelle de la folie. est bientôt à minuit, c'est bientôt la fin du monde, le 31 décembre 2010. Je suis fier d'être de ceux qui l'annoncent et qui savent pertinemment bien que c'est la fin du monde. Sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net, Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. Si j'étais vraiment vaniteux, je dirais que c'est moi-même qui l'a fait. Oui. C'est le 31 décembre 2010 et bientôt dans presque 8 minutes. La fin du monde. The end is near. We have 8 minutes left to forgive and have our sins forgiven. We will be cherished by the whole generations of nothingness after us. For before there was nothing either. Le rien, le néant, avant, après. Le bruit, la subversion de l'esprit. En vue de transgresser, bien sûr, à la convention. Normativisante. Comprends-je ? Comprends-je enfin ? Le statut. Donc l'émission Nuisance que vous écoutez. Nuisance. Nuisance. Ouais, Nuisance. Préparer un morceau pour l'heure de minuit. Ce sera magnifique. Magnifique. Ce sera tellement beau que la terre entière tremblera à l'assaut de mes rumeurs. Ce sera tellement beau que la vengeance sera mienne enfin. La folie démente. Démentira-t-elle la sagesse intelligente ? L'on le saura dans l'épisode qui adviendra du changement de Scud. Changement de Scud, bordel! Rock'n'roll! Allez, j'en ai marre de toute cette merde. J'en ai marre. Voilà. Je vais mettre voilà ça. Il reste maintenant 2 minutes. Non, 1 minute. Oh mon Dieu. 1 minute et 10 secondes avant l'heure fatidique. I will not do a pun about my fatty dick on this scene. I am not here to show off about my big fat dick. Okay? Thank you very much. Now, all of you out there, fuck you all. Fuck you all in like less than a minute. Less than a minute. Less. Bien, il y a bien moins d'une minute. Il nous reste bien moins d'une minute avant la fin du monde. La fin du monde. Le monde est mort. Wouh. Wouh. Bientôt. Dans 20 secondes. Le monde sera mort. Mort le monde! Mort! Mort! 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zéro. Voilà, on est arrivé à zéro. À zéro, il y a rien, il y a que dalle, on est mort, c'est la fin du monde, le nouvel an est arrivé. Bon, c'est bon, allez, passons. Maintenant, nous allons faire une ode à Napoléon de Bonaparte. Napoléon de Bonaparte à vitesse ralentie. De 17,8%. Mesdames et messieurs, l'annonce est faite. L'année 2011 vient de commencer sur Canal Sud 92.2 FM dans l'émission Nuisance. Al vous dit bonsoir. Yeah, the end of the world, man. It's the fucking end of the world. We're all dead. We're all dead. Fuck it. Fuck it, man. Yo, what, man? Fuck, fuck, fuck. Man, fuck, fuck, fuck. Let's all fuck. Yeah. Yeah. Fuck. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM, c'est l'année 2011. Bonne année, Jean. Al vous parle ce soir. Thank you.